Chapitre 58e. Adèle s'achemine vers la demeure du curé. « Si on me rebute, pensait-elle, eh bien moi, je ne rebuterai pas. Et si le sort s'acharne à me poursuivre, il ne sera pas dit que les torts sont de mon côté. Je tenterai toutes les voies du salut. Mais comment l'aborder, ce curé? Je ne fréquente pas les églises, il ne m'a jamais vu. Peut-être va-t-il me réprimander. Au fait, il ne me mangera pas, c'est un prêtre. Les prêtres doivent être humains, charitables. » La religion leur commande d'accueillir tout le monde, et puis, qu'est-ce que je demande? Une lettre? Cela coûte si peu d'écrire une lettre. Non, plutôt mourir que de m'adresser à ce méchant commissaire. Mourir, c'est bien cruel à mon âge. Une fois que je m'en suis senti la force, je ne l'aurai plus. Je raconterai tout au curé, toutes mes traverses, celles de mes amis. Il saura tout, depuis Pater jusqu'à Amen, et s'il a des entrailles, s'il est chrétien, il ne pourra s'empêcher de compatir à nos maux et de nous accorder quelques secours. Tout en s'abandonnant à ses réflexions, Adèle arrive au presbytère, le concierge près de qui elle s'informe si le pasteur est visible, lui indique au fond de la cour un pavillon. « Entrez là, lui dit-il, vous y trouverez monsieur l'abbé. » Adèle suit l'indication, et après avoir inutilement frappé, elle pousse la porte et pénètre dans une vaste salle où, sur un buffet étincelant d'or et de vermeil, sont étalées toutes les délices du paradis terrestre. Des femmes s'agitent et circulent dans tous les sens. « Ça fera mieux comme ci, ça fera mieux comme ça. » Le coup d'œil est charmant. Cette crème est délicieuse. Que dites-vous de mon buisson de meringue? Toutes ces femmes sont si affairées qu'elles s'avancent d'abord sans être aperçues. Rangez-vous donc, vous gênez le service. Allons, vous avez failli me faire briser le noga. Puis vient la question, que faites-vous ici? Adressée par une sœur de la visitation. Que veut cette femme? Demande presque en même temps une religieuse du Sacré-Cœur. Madame désire quelque chose? Dit interrogativement une chanoinesse qui paraît présider à tous ses apprêts. « Demoiselle Marie, voyez un peu ce que madame désire. » Demoiselle Marie s'approche d'Adèle. « Que souhaite madame ?»« Je souhaiterais avoir l'honneur de parler à monsieur le curé. »« Mais si vous avez quelque chose de précis à lui dire, vous pouvez me le communiquer. C'est comme si vous parliez à lui-même, je lui en rendrai un fidèle compte. D'abord, est-ce pour une affaire du culte ou pour affaire personnelle ?»« J'aurais besoin de l'entretenir en particulier. »« En particulier, ma chère. » « Oh, on ne parle pas comme cela, monsieur le curé. »« Faites-lui par écrit la demande d'une audience, et s'il juge à propos de vous recevoir, il vous répondra. »« Il me répondra demain peut-être, il ne sera plus temps. »« Si vous êtes si pressé, il me semble que vous pouvez bien me confier le motif qui vous amène. »« Je ne puis le dire qu'à monsieur le curé. »« Ah, c'est différent, je ne veux pas le savoir. »« Si je vous fais cette question, c'est uniquement dans votre intérêt. »« Vous avez des secrets, gardez-les, madame, gardez-les. »« Je suis bien bonne de m'en occuper. » Puisque demoiselle Marie est la gouvernante de Séan, dit une sœur du pot, qui avec des fines herbes et des anchois s'amuse à dessiner sur des assiettes les instruments de la passion, pourquoi lui faire un mystère de votre démarche? Chacun a ses raisons, ma sœur. Dieu nous garde de chercher à pénétrer les vôtres, ma chère enfant. Ce n'est pas la curiosité qui nous guide. Nous, être curieuses, ô doux Jésus, ce n'est pas notre défaut. Cependant, j'estime qu'il vaudrait mieux pour vous nous expliquer de suite. « Mais cessez de solliciter, madame !» crie ironiquement la chanoinesse. « Elle n'est pas obligée de s'ouvrir à vous. »« Oh, je vois ce que c'est !» reprend demoiselle Marie. « C'est encore quelques quémandeuses. Il en pleut ici, on ne voit que ça. On dirait qu'il n'y a qu'à se baisser et en prendre. Les aumônes, elles ne sont pas déjà si abondantes. Jamais nous n'avons été plus obérées, et puis nous avons nos pauvres. Mais ne vous démanchez donc pas mal à propos. Vous ignorez ce que je veux. Ce n'est pas à vous que je prétends m'adresser. Voyez-vous l'insolente ?» « Le cœur haut et la fortune basse, » observe la chanoinesse, « elles sont toutes comme cela. »« On doit être humble quand on n'est pas riche, » remarque la sœur de la Visitation. « Personne n'est plus charitable que moi, » affirme la sœur du Sacré-Cœur, « mais j'aime que l'on soit soumis. »« Ah, c'est bien joli, la soumission. Si madame nous avait fait part de ce qu'elle veut, nous nous serions peut-être fait un plaisir de lui prêter notre appui. » Au même instant, cet état-major de gouvernante, de servante, de béguine, de chanoinesse et de dévote de tout âge et de toutes les couleurs, entoure la solliciteuse. « Dites-nous, confiez-nous, exposez-nous, » lui crie-t-on, et sans autre interpellation volante plus ou moins impérative viennent simultanément l'assaillir. « Quand vous vous mettrez après moi comme des hapchères, » s'écria-t-elle, qui ne sait plus à qui répondre, « je n'ai rien à démêler avec vous. » Tandis qu'elle fait ainsi tête à l'orage, l'atmosphère se remplit de parfums les plus suaves. Oh, l'agréable odeur! Elle s'exhale du fin mouchoir de batiste que déploie un jeune abbé frais et gaillard, qui arrive un bougeoir à la main et en s'essuyant le front. « Pancras, faites attention où vous posez les pieds. recommande ce majordome à un gros garçon dont le bras et la hanche sont également meurtris du poids d'une quarantaine de bouteilles, miraculeusement entassées dans un panier. « Prenez garde, » ajoute l'abbé, « il y a un pas. C'est ça. Ah, voilà notre Chambertin qui est sauvé. Ce n'est pas sans peine, n'est-ce pas, sommelier ?»« Te deum laudamus. » Monsieur l'abbé, où l'avez-vous pris ?» demande demoiselle Marie. « C'est du caveau du fond ?»« Oui, du caveau de la comète. À la bonne heure. » « Savez-vous qu'il diminue à force d'en boire ?»« Ah, s'il plaisait au Seigneur de nous envoyer encore un astre !» Il se redresse comme offusqué par l'aspect d'un visage étranger et considérant Adèle. « Je ne connais pas madame. »« Madame voudrait voir monsieur le curé. »« Monsieur le curé, ah, il a bien d'autres chiens à fouetter. » « Adèle, vous ne pourriez, madame, prendre plus mal votre temps. »« Monsieur le curé ne sera pas libre de toute la journée. »« Nous avons dîné messieurs de la fabrique et les pères de la mission. »« Et vous sentez que lorsqu'on est en gala, » avec un air aimable. « On sait bien quand on commence, mais on ne sait jamais quand ça finira. Au surplus, que voulez-vous à monsieur le curé? Êtes-vous une de ces ouailles ?»« Je ne sais pas, monsieur. »« Et qui le saura, si ce n'est vous ?»« Diantre, diantre. »« Oui, oui, » il bredouille. « Ah, je vois, ce n'est qu'à lui que vous en avez. »« Aussi bien, je n'aurai pas le loisir de vous entendre. J'ai de la besogne par-dessus les yeux. »« Je ne vous conseillerai pas de repasser à l'issue de l'office. Monsieur le curé sera fatigué. » Il sera bien aise de se jeter un moment sur son lit. Ensuite, il faudra se mettre à table. Non, réflexion faite, écrivez-lui. C'est ce que nous avons dit à madame, observe mademoiselle Marie. Ou bien, reprend l'abbé, il est encore un moyen. Hé, l'abbé, s'écrie la gouvernante, mêlez-vous de vos rabats. Votre moyen, pensez-vous que je ne l'aurais pas indiqué tout aussi bien que vous si j'avais voulu? Mais vous savez comme monsieur est content quand on va le trouver à la sacristie. À la sacristie, murmure tout bas Adèle, pour qui ce mot est un trait de lumière. Et sur le champ, faisant une révérence qu'on ne lui rend pas, elle prend son essor et court à l'église.